Chapitre 44e. Monsieur de Maillefort attendait le retour d'Herminie dans une perplexité étrange, se demandant quelles circonstances inexplicables avaient pu rapprocher cette jeune fille de mademoiselle de Beauménil. Le marquis désirait d'ailleurs ce rapprochement, ainsi qu'on le verra bientôt. Mais le bossu ne l'avait pas conçu de la sorte. Aussi, la présence d'Ernestine chez Herminie, le mystère dont elle avait dû nécessairement s'entourer pour se rendre dans cette maison, le secret que mademoiselle de Beauménil lui avait demandé d'un air si suppliant, secret qu'il voulait et devait scrupuleusement garder, d'après sa promesse tacite, tout concourait à exciter au plus haut point la curiosité, l'intérêt et presque l'inquiétude de monsieur de Maillefort, qui, pour tant de raisons, ressentait une sollicitude paternelle pour mademoiselle de Beauménil. Cependant, lors du retour d'Herminie qui s'excusa de l'avoir laissé seule trop longtemps, le marquis lui dit de l'air du monde le plus naturel « Je serais désolé, ma chère enfant, que vous ne me traitiez pas avec cette familiarité à laquelle ont droit les véritables amis. Rien de plus simple d'ailleurs que de reconduire une de vos compagnes, car cette jeune personne est, je suppose, une de mes amies, monsieur, ou plutôt ma meilleure amie. « Oh oh !» dit le marquis en souriant. « C'est une bien vieille, une bien ancienne amitié, sans doute. Très récente, au contraire, monsieur. » car cette amitié a été aussi soudaine qu'elle est sincère et déjà éprouvée. Je connais assez votre cœur et la solidité de votre esprit, ma chère enfant, pour être certain de la sûreté de votre choix. Un seul trait, qui vient de se passer il y a une heure à peine, monsieur vous fera juger du courage et de la bonté de mon amie. Au péril de sa vie, car elle a été blessée, elle a arraché un pauvre vieillard à une mort certaine. Et en quelques mots, Herminie, fière de son amie et voulant la faire apprécier ainsi qu'elle méritait de l'être, raconta la courageuse conduite d'Ernestine au sujet du commandant Bernard. L'on devine l'émotion du marquis à cette révélation inattendue, qui lui montrait mademoiselle de Beauménil sous un aspect si touchant. Aussi s'écria-t-il « C'est admirable de courage, de générosité !» Puis il ajouta « J'en étais sûr. Vous ne pouviez que dignement placer votre amitié, ma chère enfant. Mais quelle est donc cette brave et excellente jeune fille ?» Une orpheline, comme moi, monsieur, et qui, comme moi, vit de son travail. Elle est brodeuse. Ah, elle est brodeuse. Mais puisqu'elle est orpheline, elle vit donc seule. Non, monsieur, elle vit avec une de ses parentes, qui l'a présentée dimanche soir à un petit bal où je l'ai rencontrée pour la première fois. Le marquis, croyant rêver, fut un instant sur le point de soupçonner quelqu'un de la Rochegude d'être complice de ce singulier mystère. Mais la foi aveugle qu'il avait avec raison dans la droiture d'Herminie lui fit rejeter cette idée. Cependant, il se demandait comment avait pu faire mademoiselle de Beauménil pour quitter pendant toute une soirée l'hôtel de son tuteur, à l'insu du baron et de sa famille, pour aller au bal. Il se demandait aussi avec non moins d'étonnement par quels moyens Ernestine avait pu ce matin-là même disposer de quelques heures d'entière liberté. Mais craignant d'éveiller la défiance d'Herminie en la questionnant davantage, il reprit « Allons. « C'est un bonheur pour moi que de vous savoir une amie si digne de vous. Et il me semble, ajouta le bossu avec intérêt, qu'elle ne pouvait venir plus à propos. Pourquoi cela, monsieur? Vous savez que vous m'avez donné le droit de franchise. Certainement, monsieur. Eh bien, il me semble que vous n'êtes pas dans votre état habituel. Je vous trouve pâle. L'on voit qu'il y a peu d'instants vous avez pleuré, pauvre cher enfant. Monsieur, je vous assure. Et s'il faut vous le dire, cela m'a frappé d'autant plus... que les deux dernières fois que je vous ai vue, vous sembliez tout heureuse. Oui, le contentement se lisait sur vos traits. Cela donnait même à votre beauté quelque chose de si expansif, de si radieux, que vous vous en souvenez peut-être, pour la rareté de la chose, je vous ai fait compliment de votre rayonnante beauté. Jugez un peu, moi qui suis le plus maussade louangeur du monde, ajouta le bossu, en tâchant d'amener un sourire sur les lèvres d'Herminie. Mais celle-ci, ne pouvant vaincre sa tristesse, répondit l'émotion que m'a causé le danger auquel Ernestine vient d'échapper ce matin a sans doute altéré mes traits, monsieur. Le marquis, certain qu'Herminie souffrait d'un chagrin qu'elle voulait tenir caché, n'insista pas par discrétion et reprit « Ainsi que vous me le dites, ma chère enfant, cette émotion aura sans doute ainsi altéré vos traits. Heureusement, le péril est passé. Mais dites-moi, il me faut bien vous l'avouer, ma visite est intéressée, très intéressée. Puissiez-vous dire vrai, monsieur ? Je vais vous le prouver. Vous savez, ma chère enfant, que je me suis fait un scrupule d'honneur d'insister désormais auprès de vous à propos du grave motif qui m'a amené ici pour la première fois. Oui, monsieur, et je vous ai sugré de ne pas être revenu sur un sujet si pénible pour moi. Il faut cependant que je vous parle, sinon de madame de Momenil, du moins de sa fille, dit le marquis en attachant un regard pénétrant, attentif sur Herminie, afin de découvrir, quoiqu'il fût à peu près certain du contraire, si la jeune fille savait que sa nouvelle amie était mademoiselle de Beauménil. Mais il ne conserva pas le moindre doute sur l'ignorance d'Herminie à ce sujet, car elle répondit sans le plus léger embarras. « Vous avez à me parler de la fille de madame de Beauménil, monsieur. »« Oui, ma chère enfant. »« Je ne vous ai pas caché l'amitié dévouée qui m'attachait à madame de Beauménil. » Ses recommandations dernières au sujet d'une jeune personne orpheline, jusqu'ici inconnue, introuvable, malgré mes recherches. Je vous ai dit les vœux non moins chers de la comtesse au sujet de sa fille Ernestine. Différentes raisons qui ne sont, croyez-moi, d'aucun intérêt pour vous, font que j'aurai le plus grand désir, dans l'intérêt de mademoiselle de Beauménil, de vous voir approcher d'elle. « Moi, monsieur ?» dit vivement Herminie en songeant au bonheur de connaître sa sœur. « Et comment me rapprocher de mademoiselle de Beauménil ?»« D'une manière bien simple, et dont on vous avait déjà, je crois, parlé lorsque vous vous êtes si noblement conduite envers madame de la Roche-Aigu. En effet, monsieur, l'on m'avait fait espérer que je serais appelée auprès de mademoiselle de Beauménil pour lui donner des leçons de piano. Eh bien, ma chère enfant, la chose est arrangée. Vraiment, monsieur. J'en ai parlé hier soir à madame de la Roche-Aigu. Elle doit vous proposer aujourd'hui ou demain comme maîtresse de piano à mademoiselle de Beauménil. Je ne doute pas qu'elle n'accepte. Quant à vous, ma chère enfant, d'abord, je ne prévois pas de refus probable de votre part. Oh, bien loin de là, monsieur. Et d'ailleurs, « ce que je vous demande pour la fille, » dit le marquis avec émotion, « je vous le demande au nom de sa mère, pour qui vous aviez un si tendre attachement. »« Vous ne pouvez douter, monsieur, de l'intérêt que m'inspirera toujours mademoiselle de Beauménil, mais les relations que j'aurai avec elle devant se borner à des leçons de piano, non pas. »« Comment, monsieur ? Vous sentez bien, ma chère enfant, que je ne me serais pas donné assez de peine pour amener ce rapprochement entre mademoiselle de Beauménil et vous ?» s'il devait se borner à des leçons de piano données et reçues. Mais, monsieur, il s'agit d'intérêts sérieux, ma chère enfant, qui ne peuvent être mieux placés qu'entre vos mains. Alors, monsieur, expliquez-vous de grâce. Je vous en dirai davantage, reprit le marquis, souriant admis, en pensant à la douce surprise d'Herminie lorsqu'elle reconnaîtrait mademoiselle de Beauménil dans l'orpheline brodeuse, sa meilleure amie. Je m'expliquerai tout à fait lorsque vous aurez vu votre nouvelle écolière. « En tout cas, monsieur, croyez que je regarderai toujours comme un devoir d'obéir à vos inspirations. Je serai prête à aller chez mademoiselle de Beauménil lorsqu'elle me fera sa demande. »« C'est moi qui me charge de vous présenter à elle. »« Oh, tant mieux, monsieur. Et si vous le voulez, samedi matin, à cette heure-ci, je viendrai vous prendre. »« Je vous attendrai, monsieur, et je vous remercie de m'épargner l'embarras de me présenter seul. » Un mot de recommandation, ma chère enfant, dans l'intérêt de mademoiselle de Beauménil. Personne ne sait, personne ne doit savoir que sa pauvre mère m'a fait appeler près d'elle à ces derniers instants. Il faut que l'on ignore aussi le profond attachement que je ressentais pour la comtesse. Vous garderez le plus profond silence à ce sujet, dans le cas où monsieur ou madame de la Roche-Aigu vous parlerait de moi. Je me conformerai à vos intentions, monsieur. Ainsi donc, ma chère enfant, dit le bossu en se levant, à samedi, c'est convenu. Je me fais une joie de vous présenter à mademoiselle de Beauménil, et je suis certain que vous-même vous trouverez à cette entrevue un charme auquel vous ne vous attendez pas. Je l'espère, monsieur, répondit Herminie presque avec distraction, car voyant le marquis sur le point de sortir, elle ne savait comment aborder une question dont elle se préoccupait depuis l'arrivée du bossu. Elle lui dit donc, en tâchant de paraître très calme, auriez-vous la bonté, monsieur, avant de vous en aller, de me donner, si toutefois cela vous est possible, quelques renseignements que j'aurai à vous demander. « Parlez, ma chère enfant, » dit monsieur de Maillefort en se rasseyant. « Monsieur le marquis, dans le grand monde où vous vivez, » reprit Herminie avec un embarras mortel, « auriez-vous eu l'occasion de rencontrer madame la duchesse de Senneterre ? J'étais l'un des bons amis de son mari, et j'aime extrêmement son fils, le duc de Senneterre actuel, un des plus dignes jeunes gens que je connaisse. » « Hier encore, » ajouta le bossu avec émotion, « j'ai acquis une nouvelle preuve de la noblesse de son caractère. » Une légère rougeur monta au front d'Herminie en entendant louer spontanément Gérald Arnhem, qu'elle respectait autant que M. de Maillefort. Celui-ci reprit, assez étonné. « Mais quel renseignement voulez-vous avoir sur Madame de Senneterre, ma chère enfant? Vous aurait-on proposé de donner des leçons de musique à ses filles ?» Merveilleusement servi par ces paroles du bossu, qui la sortaient d'une grande difficulté, celle de donner un prétexte à ses questions, Herminie répondit, malgré la répugnance que lui causaient le mensonge et la feinte, « Oui, monsieur, une personne m'a dit que peut-être on me procurerait des leçons dans cette grande maison. Mais avant de donner suite à cette proposition très vague, il est vrai, je désirerais savoir si je puis attendre de Madame la Duchesse de Senneterre certains égards, que la susceptibilité peut-être exagérée de mon caractère me fait rechercher avant tout. En un mot, monsieur, je voudrais savoir si Madame de Senneterre est naturellement bienveillante, et si l'on ne trouve pas en elle cette fierté, cette morgue hautaine que l'on rencontre quelquefois chez les personnes d'une condition si élevée. « Je vous comprends à merveille, et je suis enchanté que vous vous adressiez à moi. Vous connaissant comme je vous connais, chère et orgueilleuse fille que vous êtes, je vous dirai, n'acceptez pas de leçons dans cette maison-là. Mesdemoiselles de Senneterre sont excellentes, c'est le cœur de leur frère, mais la duchesse... »« Eh bien, monsieur, » dit la pauvre Herminie, le cœur navré. « Ah, ma chère enfant, la duchesse est bien la femme la plus sottement infatuée de son titre qu'il y ait au monde. » Ce qui est singulier, car elle est très grandement née. Or, le ridicule et la bête vanité du rang sont ordinairement le privilège des parvenus. En un mot, ma chère enfant, j'aimerais mieux vous voir en relation avec 20 monsieur Bouffard qu'avec cette femme d'une insupportable arrogance. Les Bouffards sont si niais, si grossiers, que leur manque d'usage amuse plutôt qu'ils ne blessent. Mais chez la duchesse de Senneterre, vous trouveriez l'insolence la plus polie, ou la politesse la plus insolente que vous puissiez imaginer. Et vous, surtout, ma chère enfant, qui avez ainsi au degré la dignité de vous-même, vous ne resteriez pas 10 minutes avec Madame de Senneterre sans être blessée à vif. Vous ne remettriez jamais les pieds chez elle. Alors, à quoi bon y entrer ? Je vous remercie, monsieur, répondit Herminie, écrasée par cette révélation qui détruisait la folle et dernière espérance qu'elle avait conservée malgré elle. Que peut-être Madame de Senneterre, touchée de l'amour de son fils, consentirait à la démarche que le timide orgueil d'Herminie mettait comme condition suprême à son mariage avec Gérald. Le marquis reprit. « Non, non, ma chère enfant, cette maison-là ne vous mérite pas. » Et en vérité, il faut que Gérald de Senneterre soit aussi aveuglé qu'il l'est par la tendresse filiale, pour ne pas s'impatienter de l'extravagante vanité de sa mère, et ne pas s'apercevoir enfin que cette glorieuse a le cœur aussi sec qu'elle a l'esprit étroit, et que si quelque chose surpasse encore son égoïsme, c'est sa cupidité. J'ai de bonnes raisons pour le savoir, aussi je suis ravi de lui enlever une victime en vous éclairant sur elle. Allons, à bientôt, mon enfant. Je suis tout content de vous avoir, par ce conseil, épargné quelques chagrins d'amour-propre, et ce sont les pires pour les nobles cœurs comme le vôtre. Mettez-moi donc souvent à même de vous être bon à quelque chose. Si peu que cela soit, voyez-vous, je me contente, en attendant mieux. Ainsi donc, à samedi. À samedi, monsieur. Monsieur de Maillefort sortit. Herminie resta seule avec son désespoir, alors sans bornes.